Mais quel enfer. Avant ça, j'ai fait ce qui s'appelle une connerie. Mmh. Oui, j'étais rentré chez moi après l'humiliation du soir chez une grognasse. J'avais dormi sur place. Et puis, ah, comme l'avait préparé un café schnapps, je me suis laissé attendrir. Je me suis laissé tenter. 2 heures plus tard, elle me lance. Chérie, tu viens faire les courses en amoureuse, ça va être sympa. Comme j'ai pas voulu casser l'ambiance, j'ai obtempéré. 30 minutes après, j'étais dans un monoprix. Ah, ça a commencé par le caddie qui a la roue bloquée. Au bout de 10 minutes, je forçais tellement pour garder une trajectoire avec des lignes que je me suis mis à transpirer comme un violeur d'ours blanqué dans un hammam. Une fois arrivé à la caisse, je me dis, bordel, ça y est, c'est fini. La radasse va payer, je lui dis, je dois aller rendre visite à des amis putes, du coup elle va être énervée, je veux plus jamais la voir, elle va plus jamais me rappeler. J'en étais pas encore là, j'en étais même plutôt loin. Devant moi, 96 pèlerins étaient en train d'attendre leur tour. Je me suis dit, cool Helmut, zen, patience, calme-toi. D'ici à peine 18h, ce sera ton tour. C'est quoi 18h dans une vie? Que dalle. Que d'un seul coup, ma patience a pris un sérieux coup dans le fion. Du coin de l'œil, j'ai aperçu un petit vieux, mais tout petit, qui faisait semblant d'aller lire la composition des chewing-gums qui sont près de la caisse. Le vieux coup. Tout ça pour me doubler et doubler tout le monde. Et être lui, le suivant. Ah, là, je dois l'avouer, perte de sang-froid total et incontrôlable. J'y vais. Je chope le fennec par le colbac. Et je lui dis, il va où l'abbé Pierre? Il a pas vu qu'on était presque une centaine à faire la queue? Je te donne 10 secondes pour remonter ta place, sinon je te ficelle et je te planque dans les surgelés. Comme au bout des 10 secondes imparti, il était toujours en train de se justifier, je l'ai gentiment emmené se reposer à la pension Findus, juste à côté de chez Captain Igloo. Une fois le problème du vieux resquilleur écarté, je m'approche tout doucement du but, il ne reste que 43 personnes devant, et c'est là l'incident. La caissière appuie sur un bouton pour indiquer qu'elle va prendre sa pause. Alors là, j'ai pété une fusible. J'ai sauté sur la caissière, j'ai saisi le micro qui était à côté d'elle et j'ai clairement fait comprendre mon message. Si dans 5 secondes toutes les caisses de ces magasins ne sont pas ouvertes, je ferai déguster à notre collègue la promotion concombre en lui faisant goûter ce légume. Là, il fallait le faire sortir et de pouvoir consommer. Qu'est-ce que tu as dit là? Je recommence. Je ferai déguster à notre collègue la promotion concombre en lui faisant goûter ce légume par là où elle croyait qu'il sortirait une fois consommé. Bravo. Dans le cul. Ah. C'est ça que tu me demandais, Christophe. Résultat des courses, personne n'est venu. J'ai été mis en garde à vue. 24 heures. En même temps, j'ai pas fait que des malheureux. Hein. Il paraît que la caissière cherche désespérément à épouser un jardinier. C'est toujours ça de gagner. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé une bonne chose. À partir de maintenant, je me fais livrer. Oh, putain, c'est...